Bienvenue chez Mr. Disco et... Non, chez Dr. Disco et Mr. Funk, voyons, ça ne va pas aujourd'hui. Ça va? Vous avez passé un bon samedi? On va essayer de passer un moment ensemble, j'espère qu'il va être très sympa. La découverte du jour, bah c'est un one-shot en matière musicale. David Naughton. J'entends pas grand monde qui connaît là. Il est plus connu pour ses talents d'acteur d'ailleurs, parce qu'il joue dans diverses séries comme Melrose Place ou MacGyver et dans des téléfilms d'horreur. Alors, c'est pas le figurant principal, hein. Le thème de la sitcom Making It et de sa composition. Il en vendra 1 million d'exemplaires aux États-Unis. Allez, c'est parti! Alors, qui connaissait David Naughton? Je vois pas grand monde lever le doigt là. Bon, c'est bien, ça nous permet de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qu'on entend. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Alors aujourd'hui, la double dose, c'est un hommage. Marvin Gaye aurait eu 83 ans. Je vais pas vous raconter toute sa biographie, on en aurait pour des heures. Je vais juste vous citer quelques faits. Dans les années 60, il fait partie des chanteurs vedettes de la Motown. Si on doit retenir qu'un titre de cette période, c'est son duo avec Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, sorti en 1967. Le décès de la chanteuse en 1970 plongera Marvin dans une grave dépression. L'année suivante, il sort des plus grands albums de tous les temps, What's Going On. Pour info, il est classé dans les 6 premiers sur une liste de 500 publiées par le magazine Rolling Stone. 6 premiers albums de tous les temps, bien sûr. Pour info, alors non, ça je vous l'ai dit, cette décennie sera pour lui celle de tous les excès, les années 70 d'ailleurs. Après une relative traversée du désert, il publie Midnight Love en 1982, dont sera issu son titre le plus célèbre, Sexual Healing. L'album a été enregistré en Belgique et le chanteur Arnaud faisait office de cuisinier pour Marvin. Mais la dépression le reprend et il retourne vivre chez ses parents. Il entretient une relation conflictuelle avec son père et, le 1er avril 1984, ce dernier, suite à une violente dispute, tire sur Marvin. Le chanteur meurt peu de temps après. Alors, quelques anecdotes pour finir avant d'écouter ma sélection. Le chanteur français Phil Barnet a été produit par Marvin Gaye. Ça sera d'ailleurs le seul français. Et il lui rendra hommage dans une chanson en 1995. Je repense à Marvin Gaye. Le groupe Commodore, que l'on a déjà entendu dans un précédent numéro, lui dédie lui aussi une chanson, Night Shift. Un des titres de Marvin Gaye figure dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Alors il y a un chineur qui a eu la chance, suite à un achat d'un vieux vinyle dans une brocante, ça se passe aux États-Unis bien sûr, de tomber sur la carte d'identité de l'artiste. Selon la rumeur, c'est Marvin Gaye lui-même qui l'aurait glissé dedans. Alors, assez parlé, on va écouter What's Going On et Sexual Healing, bien sûr. C'est parti. Right on. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Gros, gros coup de cœur pour moi pour ce titre-là, c'est un des titres que j'aime le plus. Alors, pour le maxi du jour, eh ben, j'ai une bonne nouvelle, on a trouvé le remède de toutes les maladies et c'est Miami Sound Machine qui vous indique où aller voir, chez le Dr Beat bien sûr. Alors le titre, il sort une première fois en phase B en 1984. Convaincu du potentiel, on lui redonne sa chance en août de la même année, mais cette fois-ci en phase A. Et la sauce, elle prend tout de suite, immédiatement. Ah, il faut dire que le rythme latino-disco y est pour beaucoup. Un clip sera tourné où on voit la chanteuse Gloria Estefan sur un toit d'un immeuble qui ne peut pas s'arrêter de danser. Finalement, on l'amène aux urgences et on l'opère et tout se passe bien. Bon, alors le docteur disco, lui, c'est plus vos oreilles qui arrivent à soigner. En avant, pour le maxi du jour avec Miami Sound Machine. Emergency, paging Dr. Beat. Partageons nos passions sur Fadjet. Alors, je viens de me rendre compte, c'était pas du tout volontaire, je vous prie de m'en excuser, que titre avant, Sexual Healing, là, Dr Beat, on va se calmer tout de suite, sinon on va être diffusé à minuit, c'est pas la peine. On va revenir, là, les pieds sur terre, calmement, on va se concentrer sur un artiste français, c'est le moment d'Instant Français. Alors, elle a marqué aussi le disco à sa manière, je veux parler de Dalida, bien sûr. Alors, c'est en voyant le succès international de Sheila, qu'Orlando, son frère, se dit qu'on ne peut pas passer à côté de cette musique. Il décide de reprendre une chanson de Toto Cutugno, Voglio l'anima, excusez-moi pour l'accent, car il croit au potentiel du titre. La chanson française est alors mise à la sauce disco, tout en gardant l'air d'origine. Les paroles sont changées, elle devient vite l'un des tubes incontournables de l'été 1979. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Dalida en vendra plus de 400 000 exemplaires. Elle va s'appeler Monday, Tuesday, Laissez-moi danser. Durant sa tournée européenne, au début des années 80, le remix sera inclus à son répertoire. Elle sera aussi interprétée en plusieurs langues. Alors, je vous propose là de découvrir Dalida, Laissez-moi danser. On est bien sur Fat Jet, on est samedi, on est chez le Dr Disco et Mr Funk qui en arrive doucement à la fin de l'émission avec la pépite du jour. Aujourd'hui, j'ai choisi Prince, Money Don't Matter Tonight. Je sais, j'ai déjà diffusé des titres de Prince, mais il y en aura encore par le futur, rassurez-vous. Le titre est issu de l'album Diamonds and Pearls, sorti en 1991. Le chanteur nous offre une mélodie dont lui seul a le secret. Le titre ne fait pas partie de ses plus connus, mais je tenais à vous le présenter. J'en profite au passage pour le dédicacer à mon pote Lambert, qui se reconnaîtra, grand fan de Prince devant l'éternel. On y va tout de suite. Comme le temps passe vite avec vous, c'est déjà fini, voilà. Voilà, c'est fini, comme disait la chanson. Je vous dis à samedi prochain pour de nouvelles aventures sur Fadjet, bien sûr. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et bye bye.